L'actualité à Nancy et ailleurs. Maxime Muriot, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de la société Lorraine d'Horticulture. On vous a au téléphone aujourd'hui, puisque le 27 et 28 avril, eh bien, c'est la nouvelle édition des journées printanières. Vous faites des plantes, ce sera à Lunéville, et c'est un moment que vous attendez, j'imagine. Oui, bien sûr. Bah, déjà, c'est le retour du printemps, ouais. Les beaux jours. Ça redonne un petit peu de morale. Et puis, c'est là où les gens vont commencer à faire leur jardin, à planter, à préparer leur terrain. Donc, c'est vraiment le moment idéal pour aller découvrir ce grand marché aux plantes. Vous avez toujours des pépiniéristes, des horticulteurs, il y a un vendeur de bonsaï, il y a des plantes qui poussent sans terre, enfin, vous avez toutes ces choses-là. On a aussi des créateurs de modules en métal, il y a des meubles, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour le jardin. Et à côté, vous avez tout ce qui est associatif, donc, qui peut vous aider, donner des conseils. Il y a la CCTLB pour les composteurs, par exemple. Il y a Jardino qui vous donne des petits conseils d'entretien de jardin ou pour le potager. Et puis, bien sûr, la SHL qui a ses stands. Voilà, SHL, c'est bien sûr la société Lorraine d'Horticulture. Donc, on va pouvoir vous rencontrer parce que ça fonctionne grâce à des bénévoles. Oui, c'est ça. On est inscrit 50 bénévoles. Mais voilà, donc c'est beaucoup des personnes âgées. Donc, il y en a qui ne peuvent plus nous aider au quotidien. Mais en tout cas, ils sont toujours présents. Et puis, on est un noyau dur qui essayons de faire au maximum pour proposer une belle fête. Et puis nous, à la SHL, on proposera bien sûr le melon de Lunéville. Et oui, parlons-en de ce melon de Lunéville, parce que Lunéville, on le connaît pour ses faïences, pour ses broderies, mais le melon, ça reste encore un peu méconnu. Et pourtant... Bien sûr. Il y a eu une voiture de course aussi, la De Dietrich, qui a été connue, qui a fait le mot. Ouais, exact. Et le melon de Lunéville, bien sûr, c'est Stanislas qui aimait les choses sucrées. Donc il a fait, créer ou inventer le baba au rhum et le melon de Lunéville, parce qu'il était très gourmand. Donc il a pris deux variétés assez résistantes pour que ça résiste dans nos régions au froid notamment. Ouais. Et il a créé le melon de Lunéville. Ça s'est perdu un peu les graines et on a essayé de le remettre au goût du jour et surtout les préserver, question de patrimoine pour pas la perdre. Et à ce jour, on essaye de faire entre 1000 et 1500 plants de melon pour les vendre à la fête et les proposer aux gens. Voilà, là ça sera pas des graines qu'on va pouvoir acheter, c'est carrément les plants parce que fin avril, il faudra déjà mettre en pleine terre. Voilà, en pleine terre. Donc nous on propose les plants parce que les graines comme ça, enfin s'il y en a qui ont des problèmes de levée, des trucs comme ça, puis pour être sûr de la variété, on peut avoir des croisements, mais normalement on fait ça en serre, en serre fermée. Et les plantes l'open terre, mais après il faut faire attention, le melon il aime pas trop le froid quand même, ni l'humidité. Ouais. Ceux qui ont des couches chaudes, c'est le meilleur. Un petit tunnel, c'est super. Sinon, il faudra attendre un tout petit peu avant de les planter, surtout plein sud, près d'un mur, à l'abri, enfin... Vous aurez tous les conseils par les spécialistes et notamment par les bénévoles de l'association. Voilà, on attend les seins de glace. Oui, oui, bien sûr. On attend les seins de glace. Surtout ça. Si on les met dehors en plein air. Ouais. Et bien sûr, les conseils, ça c'est toujours important, très utile d'avoir les tuyaux des uns et des autres. Et ça, on va pouvoir aussi en avoir plein lors de ce week-end. Oh, bien sûr, si ce n'est pas par les bénévoles de l'association, ce sera par tous les autres producteurs, associations et autres, puisque c'est un grand rendez-vous de jardinage. Donc en fait, tout le monde se donne les petits tuyaux, parle de ce qui a marché, pas marché. C'est ça qui est sympa, c'est aussi un moment de convivialité où on invite les gens à venir parler de ce qu'ils ont fait. Et puis s'ils ont des soucis, faut pas hésiter à nous poser toutes les questions que vous voulez. Si on peut y répondre, ce sera avec grand plaisir. Et est-ce qu'il y aura des ateliers aussi pour apprendre aussi en parallèle? Alors, on a des petits ateliers, notamment pour les enfants, il y a des ateliers de lecture, mais on a des ateliers de rempotage pour les enfants. Ouais. Donc, on leur propose, ce sera pas des melons de Lunéville, mais des fois, c'est des plantes qui peuvent être associées au potager, donc des petits plants de tomates, des œillets d'Inde, des fleurs. Donc, chaque enfant, donc c'est pour ça que les familles peuvent venir, peuvent déposer leur enfant à l'atelier. On leur fait faire un petit atelier de rempotage, comme ça, les parents peuvent aller se balader, boire un coup, acheter, faire leurs courses, et puis récupérer leurs enfants avec un petit plant. C'est super. Et puis pour les familles, ça fait passer un bon petit week-end, l'entrée est gratuite en plus. Donc ce sera bien sûr dans les jardins du château de Lunéville, notre parc des Bosquets. C'est 10h à 19h, vous l'avez dit, c'est gratuit, on peut y aller en famille et ce sera pour les petits et puis pour les grands, parfois des moments de découverte pour les amoureux de la nature. Merci beaucoup Maxime. Merci beaucoup à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.